Bonsoir, vous tous qui me suivez, je veux devoir parler de quelque chose d'important et j'ai besoin que vous me prêtiez attention. Le tout premier point qui m'intéresse, c'est celui qui concerne cette pandémie qui ronge la société mondiale. Nazako comprendre était que Kuna na États-Unis, Trump azako boya a lobaki que ba chinois ba salier virunga yangwana bazako kufa alingi lisusu koyoka bangote. Curieusement et pas na biso to yambi quand même ba chinois 12 to bengi bango spécialiste ya COVID-19. C'est un peu curieux, hein? Ba état ya minene oyo bazana medicine moko très évolué ba boy chinois mais Congo andimi chinois o agoya apesa formation nanza komi tuna ce que nous voulons être réellement sur cette terre tozali na docteur Jérôme Munyangi. Bayambie na Madagascar, à Sali Moussala, je n'ai pas vu ba malgache qu'aucun de vous ba chinois. Aye, pas na biso. Bo tchaye ensemble. Bo senga bango ba salande et loko. Ya, ba fandi place moko, na ba médecin loutete, ba mouyembe, na ba moussousoyo, ba sa vraiment na Congo na motema. Boluka, médecin a présenté à Kibino la semaine passée, docteur Angèle Bipendu, Oyaza Osala Moussala na Italie, Eska maladie wana ezali. Boluka, docteur Mukeba Chalala, Bolongole na Mali, Aya awana équipe Oyo, Bozoa, docteur Mabisombi, Azana Italie, Baya Basangana, Naba Oyo Bazawa na Kishasa. Bozo ba phytothérapeute mususu bazawa bosa la recherche. Apparemment Congo linga kozala toujours élève modèle ya bamindele. Donc toza ko se rendre faible biso moko. Maintenant naringi natuna eloko moko la faire bino comprendre eloko moko. Pona nini ba mindele baza koloba que coronavirus responsable du COVID-19 baza kopesa biso message na kati toza ko sala attention te e bandaki coronavirus balakisi tolobi corona parce que ça forme ya corona mais awa tiko to bosani batutu bakomi COVID-19 mais mindele zoloba coronavirus responsable du COVID-19 maintenant COVID-19 est lobi nini biloko il faut ba expliquer biso na ba recherche to sanaki to trouver que COVID-19 signifie vaccination identifiée et certifiée par intelligence artificielle. Donc, la COVID-19 est un vaccin. Cela veut dire na korbenda mayele seke zaga deja awa ndo ba osala ngo test oyo bazolo ba testé positif oyo nga naza ko supposer sikoni parce que jusque là bozoka ka COVID-19 vous ne demandez pas ça signifie quoi parce que bazolo ba biloko mibale coronavirus responsable du COVID-19 mais ce qu'on t'a dit COVID na corona ozomona neti loko moko sei loko moko te cela veut dire ce qui est responsable et ça neti ngai na responsable ya mwana na ngasa dit ponga nde na memie cela veut dire ye oyo nde a créé vaccin oyo présence ne e créé vaccin oyo nde bazobenga COVID-19 parce que na 19 fois ne zaka kababoy kotia ina a pour signifier intelligence artificielle. Boko ka repousser ma recherche, ce qui naza à côté, boko corriger ngai. Mais surtout, pas à la pointe de presse, tout le monde, docteur Muyembe, a expliqué biso signification entre oyo na oyo. Parce que, mindele koyo kandenge ba tuba ganga ki tomoyi vaccin, c'est sûr, bakoya na nzela wana lisusu te, bakoya na nzela mususu. Parce qu'on ne comprend pas. Soto zui, bato bazo bela corona na poto, ou mon image. Na ouyo tozo monawa, le jour et la nuit, eko kanite. Mais awa, eko mi kaka lelo bo la mouki, nous avons enregistré 12, lo bo la mouki, nous avons enregistré 30, to la mouki, nous avons enregistré, et puis mbara mouko, nous sommes à 1200, c'est-à-dire, tozo ouwe la nde koton di sa, nombre, mais tozo ouwe la te ko sangi sa ba medse, ouyo sengi, liba salam sala, yali bela, bata la Ebola, bata la coronavirus, bata la malaria, bata la typhoïde. Non. Souci a ouezaka kokonte nombre. Cela veut dire, tout ça la attention. Bah, le but, tout ça na 1169 cas confirmés. Or, si on a dit, on a dit, on a dit, ce qui a malaria et tout, au koutani na barrière, c'est que ça na thermomètre, yeba ke ba konte yo. Au lieu de ça, l'examen, ba yeba, et quand la malaria moutou, et ça lui a température mati, ba ou ça la angote. Donc, na zo mon anit, c'est comme une balaya soukanga na zo lo ba makamboy. Parce qu'apparemment, je ne comprends pas, ça m'a sidéré, na lembaki na maboko na lobi, ko yana chinois awa. So totali chinois ndenge azali na biso, makamboya asala kana vida ye, toko ko benga ete. So to bengi le makambo mususu. Parce que ba médecin to zana bango. Ba so prouvé sur les champs, makambo zo sala. Me ba sote ba ke koluka ka Chine. Me na ndenge ba komi, na actualité.cd. Ba lobi chinois, e ye kwe debiso. Ne, chinois e luki kaka, o yonde kwe debiso. Tanyo soto fanda karabango ba edakate, ba edeka ka awa. Soki babo ye na Etats-Unis, si biso tondimi ye, eza mawa mingi. Mena na kei, na landa ki video moko. Papa Molière, basali emission na Jean-Marie Kasamba. Kuna nakati a parlé ya ex-président sénégalais Abdoulaye Wade. Oui, je connais Abdoulaye Wade à Lobaki. Vraiment na Congo ba politicien penza ya vrai bazate ba tubaza ba beba mitu ainsi de suite à Lobaki yango toko luka toko zo yango peut-être. C'est vrai Abdoulaye Wade à Lobaki n'y a pas de politicien au Congo. Pour nani ya lobaki ndenge wana. Toza ko se comporter ndenge nini. Biso population na ba konjango toza na bango donc na ba autorité politique. Non so na nini biloko tozo sala tozo filmer tozo kabola pour na komi tiola pour na komi finga pour na komi kisasoni e kenda sango. Ba komo ko finga biso à travers le monde. Nazo tia image mi balé. Pour vous comprendre, Et là, papa Molière a fait ça comme illustration au cours d'une émission avec Jean-Marie. À quoi ça quitte? Balobaka, Ezaïa, Mounokonaïte, et Bimaka, Mounokoya, Abdoulaye Wade. Bien qu'Abdoulaye Wade, a fini avec les politiciens congolais, souka nanyon soye azaki mouibi, na mwana na ye. Mais pourquoi souka ye a ki, a yizwa ki makati ako finga biso? C'est parce que biso moko, tozo exprime te valeur moko songolo. Jusque là, tozo liye na ba tribu, ba clan, ba nini, même l'honnêteté en face, on refuse. C'est ça notre problème. Na tcha image mi balé, on a sengi na 20h, ya honorable Daniel Safu. Mi balé, 20h. Ok, Félix Kabila, vous m'écoutez Kabila. Bon, tu colanda veter yanza Daniel Safu ya liboso. Ndenge ya lobi, bon yoki yango bino moko. Na boyi commentaire. Veter ti asko ya mi balé. Oyoka toujours même honorable, même personne à lobiskoni. Tolanda. Naye. Na kasi na lobelié. Na zone elikiate na ba mama, na ba koko nanga, na ba ndeko nanga, na ba ebakenda kela cité. Ba koti na mayele la bata ya ta Daniel Alimboli yango malamu. Donele koye Félix Aigle Royal. Yango na imba kinzembo na eta dirigeant soyo ba imbo kabakanga. Hey, Kabila te. Hey, Félix ende mokonzi. Wana bauti kolanda isa Daniel Safu. Sikoyo na zocha image ya Molière ne balemba. A posa ki acte moko a bien makasi. Ndebo eba salaka atako toko zara la ba divergence. Tolanda veteri ya lemba lemba. Komisa président Félix Tshisekedi ngi olobani. Ma fe papa o jesu o lingi to komisa nain. Nani fe nani kabange Omoni président bando ki nwa ya Félix Tshisekedi na bombi yango. O mutu swana na mwindo ya bando bosana. O gonzo bosana kombo. Il y a un seul président de la République, mon cher ami. Il n'y a qu'un seul président de la République, c'est Félix Tshilombo Tshisekedi. Très bien parlé. Maintenant, tout le monde a dit que c'est un peu de temps et lundi. Et ça, c'est un peu de temps. Au bout de ce qui est là, il y a des moutons, des chèvres. Des moutons. Non, il y a des danes ou bien il y a des simbiliki. Et si vous avez la simbili qui est si vous avez monté. Bolandi, à l'objet, chef ya président de la République, a réébissé Zala Lissounangaï. Mais il y a mon cas de l'oba, sauf de mouton, sauf de chèvre, sauf de denini. C'est-à-dire, c'est qu'on a dénigré. Vous voyez? Donc, Abdoulaye Wade avait raison. Maintenant, na lingina suki sana problème moko lembane ba expliquer na sepel que azomo na ke procès ka mereza politique. Pourquoi jusque là il dit pourquoi bazui dossier moko ba effacer dossier mususu, c'est-à-dire bazolo bilaba 1500 maisons où il fallait Jamal atonga na société na ye c'est que ba bombi mususu. Non, c'était vite dit, peut-être expressement pour influencer l'opinion. Ce procès n'est pas politique. N'ayez qu'à informer yé que. Et j'allais bien qu'au tanga, et j'allais bien qu'au lande information, et j'allais bien qu'au la honnête. Parce que le parquet est outil qu'on fixe, et outil qu'on saisir. Il y a eu saisine. C'est-à-dire, à outil qu'on saisir, tribunal de grande instance y a Gombe et si qu'a déposé qui dossier après instruction sur le cas de détournement y a David Blattner avec sa fricasse. Oyo y'a caméra jusqu'à là bas au ça y est y a maison. Oyo si quoi Blattner bah tu qu'a déposé et y a saute mouton. Cela veut dire que à Kosamba donc, les politiciens locaux, vous êtes l'Assemblée nationale, vous êtes censé nous représenter, ayez le temps. Il y a un peu de temps. Thank you.